Bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre étude de l'Épître aux Hébreux, et nous allons commencer le chapitre 4. Notre Père du ciel, nous te remercions que tu as bien voulu nous parler d'un repos. C'est un mot qui est tellement merveilleux à entendre pour quelqu'un qui est fatigué. Je vais t'offrir le repos. Viens te reposer. C'est donc merveilleux d'entendre cela. Mais tu nous invites à entrer dans un repos beaucoup plus grand, beaucoup plus merveilleux. Guide-nous par ton Esprit Saint afin qu'on comprenne bien ce que tu veux nous enseigner. Amen. Nous avions commencé hier à parler du repos. Et pour qu'on comprenne bien le chapitre 4, je crois qu'il nous faut relire un petit peu le chapitre 3. Donc, on va commencer par lire le chapitre 3, chapitre 3, verset 7, juste pour se remettre dans le bain du repos. Parce que là, ça va être le chapitre 4 aussi. On va aller dans le chapitre 4. On va juste lire pour résumer, pour rafraîchir dans notre esprit, qu'est-ce que l'auteur avait dit avant d'arriver au chapitre 4. Donc, lisons chapitre 3, verset 7. C'est pourquoi, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Aussi, je fus irrité contre cette génération, et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare, ils n'ont pas connu mes voies, je jurai donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez garde, frère, que quelques-uns de vous n'aient un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Et contre qui Dieu fut irrité pendant 40 ans, sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert? Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'il ne peut y entrer à cause de leur incrédulité. Donc, ce que nous avons vu hier, c'est Dieu avait promis aux Israélites un repos. Imaginez-vous, 400 ans d'esclavage en tant que peuple, difficile, dur. Et Dieu dit, je vais vous libérer. Je vais vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel. Je vous promets un repos. Mais il ne voulait pas juste cela. Comme c'est toujours le cas, comme c'est le cas aussi dans le Nouveau Testament, Dieu veut donner un exemple terrestre d'une vérité spirituelle. Le repos dont il parle est beaucoup plus grand que juste le repos de la terre promise. Ils ne sont pas entrés. Le peuple d'Israël n'est pas entré, excepté, je pense, c'est juste quelques... Caleb et Josué qui ont entré, je pense, avec la génération qui n'avait pas été libérée d'Égypte. Donc, c'est juste une petite gang qui ont entré, qui avait sorti d'Égypte, qui ont eu la foi, qui ont gardé la foi dans les promesses de Dieu. Mais pourquoi ramener ça ici si c'est terminé? S'ils ne peuvent pas, bon, mais c'est terminé, on ne peut plus rentrer dans le pays de Canaan, ça n'existe plus. Maintenant, si vous allez en Israël, vous allez voir que ce n'est pas un pays où coule le lait et le miel. Mais l'auteur parle aux Hébreux ici, puis leur dit, il y a un repos beaucoup plus grand qui est encore possible. C'est celui que Jésus a emmené. Si vous retournez à la loi, si vous retournez au temple pour être sauvé, si vous voulez faire des sacrifices comme dans le temps de Moïse, ben, vous ne pourrez pas avoir le repos. Le repos qui avait été promis là, au temps de Moïse, vous ne l'aurez pas plus. C'est terminé cette étape-là. Il y a un autre repos qui est encore possible aujourd'hui, un repos encore plus grand que la terre promise. Et c'est ça qui est l'argument du chapitre 4. Il dit, il y a encore un temps pour entrer dans le repos. Donc, c'est pas la terre promise dont il parle parce que c'est terminé. Donc, il parle d'un autre repos, du repos qu'il voulait toujours leur donner, à partir d'Adam et Ève jusqu'à Jésus, jusqu'aux Hébreux qui reçoivent cette lettre. C'est toujours du même repos qu'il voulait parler, du repos de Dieu. Mais il avait donné des exemples de repos. La terre promise était un exemple de ce repos-là. Mais il dit, c'était juste une image du vrai repos qu'il voulait offrir. Et le repos que Jésus-Christ amène est d'autant supérieur au repos que Moïse voulait offrir. Moïse était un repos offert terrestre, matériel, pour une quarantaine, cinquante, soixantaine d'années à ceux qui arrêtaient de vivre là. Mais Jésus lui offre un repos beaucoup plus grand que cela. Et ça, c'est le chapitre 4 qui n'en parle. Lisons ensemble, s'il vous plaît, chapitre 4, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux, chez ceux qui l'ont entendue. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Et selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, il n'entrera pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres ont été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc l'auteur, il dit « craignez donc ». Donc il suscite une certaine crainte dans leur cœur puis il dit « attention là ». La promesse subsiste. Il est encore temps d'entrer dans le repos dont Dieu parle depuis la Genèse. Il est encore temps d'entrer dans ce repos-là. Il dit, j'espère qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard pour entrer dans ce repos-là. Il dit, Dieu, depuis la Genèse, a parlé d'un repos qu'il veut faire jouir son peuple. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc, il dit, cette promesse-là, cette bonne nouvelle-là que Dieu avait annoncée, depuis la Genèse, jusqu'à Moïse, jusqu'au pays de Canaan, cette belle promesse-là que Dieu avait faite ne leur servit de rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas trouvé de la foi. Ils l'ont entendu la promesse, ils l'ont entendu l'invitation, ils l'ont entendu ce que Dieu avait dit. Vous pouvez entrer dans mon repos. Il dit, on n'a pas pu y rentrer à cause qu'ils n'avaient pas la foi. C'est par la foi qu'on rentre dans ce repos-là. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Vous remarquez qu'il n'a pas dit, nous avons entré. Il dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela puisque ses œuvres avaient été achevées depuis la création du monde. Dieu invite les gens à entrer dans son repos parce que lui, il a terminé son œuvre. Il l'a fait pendant 6 jours, il a créé le monde. Il dit, se repose le 7e jour. Il dit, il nous invite à entrer dans ce repos qu'il dit au verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Il invite les gens à entrer dans ce repos-là que Dieu a eu le 7e jour. Il y a un repos-là qui était imagé par le sabbat. On devait travailler 6 jours et arrêter le 7e jour et se reposer dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la louange, dans le service de Dieu. On devait se reposer en Dieu, avec Dieu. C'était l'image qui devait nous amener plus loin, dans un repos beaucoup plus grand. Au verset 6, c'est marqué, « Ah, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. » Désobéissance à la parole de Dieu, désobéissance au plan de Dieu, désobéissance aux envoyés de Dieu, Moïse et Aaron. Ils ont désobéi, qui est un synonyme qu'ils n'ont pas la foi. On ne parle pas ici qu'ils ont désobéi à tous les aux 10 commandements. Le peuple de Dieu a toujours désobéi aux 10 commandements, et l'Église désobéit aux 10 commandements. Il parle, c'est de désobéir au plan que Dieu avait, à Dieu lui-même. Ils se sont révoltés, ils se sont rebellés contre Dieu. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après l'entrée au pays de Canaan, qui avait été possible, qui finalement n'a pas été possible pour la génération qui est sortie d'Égypte, mais qui a été possible pendant la génération de Josué. Il dit, bien longtemps après, parce que Moïse est venu bien, pas de Moïse, mais David est venu bien longtemps après eux autres, et au temps de David, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Donc il dit, si Dieu parle dans les psaumes par David d'un jour de repos, c'est certainement pas du repos du pays de Canaan. Ils sont déjà dans le pays de Canaan au temps de David. Il parle d'une autre sorte de repos, un repos beaucoup plus grand, un repos spirituel, un repos de sabbat, qu'il dit au verset 9. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. C'est quoi ça, ce repos de sabbat? Se reposer avec Dieu, être avec Dieu, vivre avec Dieu, dans la présence de Dieu. Il dit, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Parce que vous savez, ces Juifs-là, ces Hébreux-là ici, pourquoi qu'ils veulent retourner à la loi? C'est pour travailler, c'est pour faire des œuvres, pour être sauvés, pour être acceptés de Dieu, pour être acceptables aux yeux de Dieu. Il dit, vous retournez, au lieu de vous reposer, de prendre un repos du sabbat-là, spirituellement parlant, repos de Dieu, repos dans la terre promise, repos promis à David, et ce repos est encore aujourd'hui possible pour vous, Hébreux, d'entrer dans ce repos. Entrez dans ce repos. Restez dans ce repos. Et quand vous êtes dans ce repos que Christ nous a acquis, vous n'avez pas besoin de travailler avec des œuvres. Vous autres aussi, vous vous reposez de vos œuvres. Vous autres aussi, vous n'avez plus rien à faire comme Dieu n'avait plus rien à faire le 7e jour. C'est pour ça que Dieu, ce sabbat avait été donné, non pas parce que Dieu voulait mettre des règles et que ce soit dur à accomplir pour qu'on mérite quelque chose. Dieu a juste offert un repos le septième jour. Il dit, arrêtez toutes vos occupations et venez vous reposer avec moi et en moi. Comme la terre de promise, si le peuple d'Israël avait vécu ce que Dieu avait vécu, il dit, vous allez rentrer dans la terre promise, là où coule le lait ou le miel. Vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas bâties. Vous allez avoir des champs que vous n'avez pas labourés. Je vais vous offrir un beau pays où coule le lait ou le miel. Mais vous n'avez pas voulu. Vous vous êtes rebellés. Vous avez été incrédules. Vous m'avez irrité. Et j'ai juré, vous n'entrerez jamais dans mon repos. Le vrai repos. Toutes ces images de repos étaient pour vous montrer qu'il y avait un vrai repos. Et ce repos-là est encore accessible aujourd'hui. Et l'auteur, il dit à ses lecteurs, oh, j'aimerais, oh, que j'aimerais pas que quelques-uns d'entre vous paraissent avoir arrivé trop tard et qui ne pourront pas entrer dans le repos finalement. Parce que si cette bonne nouvelle qui avait été annoncée à travers Moïse n'a pas trouvé de foi, et à cause qu'ils n'ont pas, ça a pas trouvé de foi, ils ont pas pu rentrer dans le repos de Dieu. Et cette bonne nouvelle qui a été annoncée par Jésus-Christ, par les apôtres, confirmée par les miracles, si vous n'y croyez pas, si elle ne trouve pas chez vous de la foi, vous ne pouvez pas rentrer dans le repos que Dieu offre aujourd'hui. Comme ils n'ont pas pu entrer, eux, à cause d'incrédulité et de désobéissance, vous ne pourrez pas entrer non plus dans mon repos. Si vous n'avez pas la foi dans ce que le Fils nous a annoncé par les apôtres. Je le répète tout au long de l'Épître aux Hébreux. L'auteur veut encourager un groupe d'hommes et de femmes qui ont professé la foi en Jésus-Christ, à y rester attachés. Utilisons ce livre dans le même but. Encourageons-nous les uns les autres. Quand vous rencontrez un chrétien qui est découragé, qui a envie d'abandonner, vous voyez un chrétien ou une chrétienne qui abandonne l'Église et que vous ne le voyez plus, ben allez le voir. Essayez de comprendre, est-ce qu'il est en train d'abandonner la foi? Ou s'il vit des problèmes dans sa vie. S'il vit des problèmes dans sa vie, essaie de l'encourager et à prier avec lui. Mais s'il est en train d'abandonner la foi pour faire quelque chose d'autre, pour retourner peut-être à son ancienne foi, ou de rejeter toutes les fois possibles et imaginables, prenez l'Épître aux Hébreux et passez au travers avec lui. Montre-lui la supériorité de Jésus sur les prophètes, n'importe quel prophète. Les anciens prophètes de l'Ancien Testament et les nouveaux prophètes qu'on entend aujourd'hui de Bouddha, de Krishna, de Mahomet et tout ce que vous voulez. Des Joseph Smith, des Russell et de tout ce que vous voulez. Il est supérieur à tout cela. Et démontrez-lui qu'il est supérieur même aux anges. Démontre-lui qu'il peut vous emmener, vous donner un repos de sabbat, un repos spirituel dans la présence de Dieu. Et vu qu'on n'a rien à faire dans la présence de Dieu, on peut être libre de l'adorer et de le servir. Vous savez, quand on est libéré de la loi, quand on est libéré des œuvres, ça nous rend libre pour servir Dieu, pour être reconnaissant, pour le louer. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à bien comprendre cette belle vérité-là. Ô Seigneur, c'est ma prière comme celle de l'auteur ici. Que personne qui écoute ces vidéos puisse paraître arriver trop tard. Que personne qui est en train de penser d'abandonner la foi. Parce que ça marche pas, parce qu'ils n'ont pas de réponse à leur prière, parce que ils ont de la maladie, ou parce qu'ils ont perdu leur job ou quoi que ce soit d'autre, ou parce que leur époux ou conjoint les a abandonnés. Seigneur, donne-nous d'être capables de nous encourager et de les encourager à persévérer dans la foi jusqu'à la fin. Au nom de Jésus.